The Feed Radio. Tout ça, vous n'avez pas compris que l'acide, ça brûle. Bonsoir, c'est DDN dans Le Vide Relatif. C'était Caïman d'un vieil album de 97 qui s'appelle Rouge et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que, comme vous avez pu le constater, j'aime bien étant donné que c'est lui qui a ouvert l'émission. Oui, enfin, on n'allait quand même pas se passer du générique, et moi j'aime bien qu'on l'écoute en entier. Je disais donc, c'est Le Vide Relatif, c'est DDN sur Rage 88.3, c'est l'émission où on écoute de tout sans écouter n'importe quoi, et on le prouve tout de suite avec un autre disque de chez 12 Rec. Ah, je vous avais dit que je vous en passerais plein, j'ai pas menti. C'est El Señor Tchouf Tchouf, et ça a un nom bizarroïde. Inside my head. shame. What kind of liquid am I keeping inside? Everyone stares at the way we dance and envies us for our luminous love. I like to be the shy character in a Japanese anime. Ça s'appelait « I feel like a clean blackboard », c'est-à-dire « je me sens comme un tableau noir vide ». Je me demande bien ce que ça peut vouloir dire, mais étant donné l'étrangeté relative de cette musique, on se demande aussi ce qu'elle peut vouloir dire. Ça vous a plu ? D'habitude, dans les émissions de radio, celle-là comprise, on ne passe qu'un seul titre d'un album. Et ben, pour une fois, on va faire une exception à plusieurs reprises dans cette émission. Et on commence tout de suite par Eftus Spektun et ses deux titres, c'est chez Publicaisor. Chez Publicaisor, il semblerait bien qu'on va passer du CDR au CD normal ou qu'on est en train de le faire. En tout cas, leur dernière sortie est un CD normal. Bon, il est encore dans son cellophane parce qu'étant donné la quantité de trucs que j'ai reçus de chez eux, je n'ai pas encore tout écouté. Mais je vous tiendrai au courant. À propos de vous tenir au courant, est-ce que vous vous souvenez de Fuck the Facts, ce groupe canadien avec une fille qui chante ? Enfin, il y a tellement de disto, de pitch shifting et autres effets sur sa voix qu'on a à peu près autant l'impression que c'est une fille qui chante que dans Arch Enemy. Mais c'est pas grave, c'est très très bien quand même, Fuck the Facts. Et vous savez quoi ? Eh ben, Relapse, le gros label de métal américain, Relapse, où il y a eu Brutal Truth, où il y a eu Deceased, où il y a eu plein de gros trucs et où il y en a encore, eh ben Relapse a signé Fuck the Facts. Ce qui signifie qu'ils n'ont plus besoin de nous pour leur faire de la promo. Alors on n'en passera probablement plus, c'est bien dommage. Au revoir, Fuck the Fact. Bon, on continue avec Publicaisor, c'est Eric Cook. Ça s'appelle Your Side, My Side, Your Side. Et trouvez donc vous-même la catégorie dans laquelle vous voulez ranger ça. Thank you. J'espère que je vous l'apprends pas, mais il y a un gros label de grind en France qui s'appelle Bones Brigade. Enfin gros, bon, il tire à 500 exemplaires, mais enfin, ils sortent quand même plein de choses bien. Et comme ce qu'on va écouter qui s'appelle Mind Flare, c'est issu du split avec Running Cuts. We'll be right back. Tiens, on va rester en France avec le label du Sud-Ouest Amanita, où il y a Voodoo Muzak, qui est un espèce de gros groupe de jazzcore, qui est très bien aussi. Et ce qu'on va écouter maintenant, c'est Welter Quartet, et ça s'appelle « Mon chat ». Ce qui suit, c'est également sur Amanita, et ça a été enregistré par Steve Albini. Pour ceux d'entre vous qui vivent sur Mars, Steve Albini, c'est le gars qui enregistre Sonic Youth, enfin qui a beaucoup enregistré Sonic Youth. C'était le guitariste de Big Black, c'était, enfin bref, c'est un mec qui a fait plein de choses, et qui enregistre des tas de trucs. C'est normal, faut bien manger. Et il fait aussi toujours de la bonne musique, puisque c'est lui qui chante et qui joue de la guitare dans Shellac, un excellent groupe. Enfin, on fera peut-être bien une émission NC4 consacrée à tous ces extraordinaires dinosaures de la musique alternative américaine, Henry Rollins, Jello Biafra, peut-être bien aussi un petit peu de Steve Albini, peut-être bien un petit peu Ian McKay, je sais même pas si on pourrait pas mettre Mike Patton dans le même coin. Ce qui suit, ça s'appelle Zou, Z-U. We'll be right back. Feed Radio. Ben voilà, t'as vu qu'il nous a passé presque 10 minutes de jazz complètement barré, maintenant je suis sûr qu'il va nous enfiler 10 minutes d'ambiant. Eh ben oui, c'est gagné, c'est sur Sidgis, ça s'appelle Ancient Monsters, c'est maintenant. La qualité des productions de ce petit label anglais, Sigis, S-I-J-I-S, et ça se dit à l'envers, je vous en ai déjà parlé, et ben cette qualité-là, elle est formidable. Et il tire à pas beaucoup. Et apparemment, tout le monde s'en fout. Et ben c'est bien dommage, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment très bien. Et tous les albums sont bien, tous dans des genres différents, enfin bref, c'est bien. Alors le internet, ça sert pas juste à des adolescents boutonneux à échanger leurs photos. Ça sert aussi à des musiciens talentueux à échanger des pistes de musique. Et puis, des fois, il y en a un qui habite au Canada. Enfin, une exactement qui habite au Canada, puis il y en a un qui habite en France. Et puis ça fait de la super musique. Vous savez, c'est Moon, le groupe d'Arles, qui apparemment s'est trouvé une chanteuse. Ça serait quand même bien qu'il y ait quelqu'un dans le coin qui se décide à faire jouer ce groupe formidable d'Arles, Moon. Ce qui suit, c'est encore du jazz au corps ou du corps machin. C'est Badgewearer, c'est un groupe écossais qui existe depuis plus de 10 ans et qui fait toujours de la très très bonne musique. We'll be right back. spectacles, the spectacles in a square ring. Opens the code of my car. No need to complete, no need to complete, no need to, no need, no. Upper chain, bad snacks, and freedom to deepen the world. Ah, ça me rappelle une très grande époque où le groupe Dogface Hermans existait encore. T'avais jamais entendu parler des Dogface Hermans? Eh ben, c'est bien dommage. C'était un groupe qui était constitué d'un batteur, d'un bassiste, d'un guitariste et d'une chanteuse qui jouait aussi de la trompette. Le guitariste aujourd'hui joue avec ZX. Le batteur, je sais pas ce qu'il est devenu, et le bassiste non plus. Enfin bref, Dogface Hermans, c'était drôlement bien, je vous en passerai un petit peu bientôt. Des fois, il y a des compilations dessus, il n'y a rien de bien. Enfin, malheureusement, si, il y a un titre bien. Alors c'est dommage, parce que vous avez eu la compilation, puis vous aimez rien, sauf un truc. Enfin, peu importe. Northern Star Records est un label anglais qui fait du psychédélique, enfin... Dans Psychédélique, ils ont essentiellement retenu la version Dylan et Beatles du Psychédélique, ce qui est un petit peu dommage, mais ils ont eu l'excellente idée de persuader les télescopes de faire un remix ou une nouvelle version de leur super single Winter qui était déjà sorti sur Hungry Audio. C'est ça qu'on va écouter maintenant. Vous savez, la dernière fois, je vous avais dit que ce single était formidable, ou c'était peut-être il y a 15 jours. Enfin, vous allez vous rendre compte par vous-même. Thank you. Voilà, c'est toujours aussi formidable les télescopes. J'ai entendu dire qu'ils passeraient à Paris en septembre et je pense que je vais me payer le voyage. Ça va me faire drôlement plaisir. Bon ben voilà, ça se termine. Vous pouvez retrouver l'émission sur le forum de Rage, forum.rage.fr. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation. C'était DDN, dans le vide relatif. Bonsoir, ce qui suit, c'est Jasmin.